Deutéronome chapitre 9. Écoute, Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain, pour entrer chez des nations plus grandes et plus fortes que toi, vers des villes grandes et murées jusqu'au ciel, pour les posséder, vers un peuple grand et haut, vers les enfants des Anakins, que tu connais, et desquels tu as vu dire, qui est-ce qui subsistera devant les enfants de Anna? Point d'interrogation. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu, qui passe devant toi, est un feu consumant. C'est lui qui les détruira, et c'est lui qui les abaissera devant toi, tu les déposséderas, et tu les feras périr subitement comme l'Éternel te l'a dit. Ne dis point en ton cœur quand l'Éternel, ton Dieu les aura chassés de devant toi, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en ce pays pour le posséder, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là, que l'Éternel les va chasser de devant toi. Ce n'est point pour ta justice ni pour la droiture de ton cœur, que tu entres en leur pays pour le posséder, mais c'est pour la méchanceté de ces nations-là, que l'Éternel ton Dieu les va chasser de devant toi, et afin de ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac, et Jacob. Sache donc que ce n'est point pour ta justice, que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour le posséder, car tu es un peuple de colroide. Souviens-toi, et n'oublie pas que tu as fort irrité l'Éternel ton Dieu dans ce désert, et que depuis le jour que vous êtes sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce que vous êtes arrivés en ce lieu-ci, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Même en Horeb vous avez fort irrité l'Éternel, aussi l'Éternel se mit en colère contre vous, pour vous détruire. Quand je montais en la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel avait traitées avec vous, je demeurai en la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et ce qui y était écrit c'étaient les paroles que l'Éternel avait toutes proférées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. Et il arriva qu'au bout de 40 jours et de 40 nuits, l'Éternel me donna les deux tables de pierre, qui sont les tables de l'Alliance. Puis l'Éternel me dit, « Lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu, ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais commandée, ils se sont fait une image de fonte. » L'Éternel me parla aussi, en disant, « J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple de colroide. Laisse-moi, et je les détruirai, et j'effacerai leur nom de dessous les cieux, mais je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci. » Je me retirai donc, et je descendis de la montagne. Or la montagne était toute en feu, et j'avais les deux tables de l'Alliance en mes deux mains. Puis je regardai, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu, et vous vous étiez fait un veau de fonte, vous vous étiez bientôt détourné de la voie que l'Éternel vous avait commandée. Alors je saisis les deux tables, je les jetai de mes deux mains, et je les rompis devant vos yeux. Puis je me prosternai devant l'Éternel, durant 40 jours et 40 nuits, comme auparavant, sans manger de pain, et sans boire d'eau, à cause de tout votre péché, que vous aviez commis, en faisant ce qui est déplaisant à l'Éternel, afin de l'irriter. Car je craignais la colère et la fureur, dont l'Éternel était enflammé contre vous pour vous détruire, et l'Éternel m'exauça encore cette fois-là. L'Éternel fut aussi fort irrité contre Aaron pour le détruire, mais je priai en ce même temps-là aussi pour Aaron. Puis je pris votre péché que vous aviez fait, savoir le veau, et je le brûlai au feu, je le pilai en le broyant bien, jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre, et j'en jetai la poudre au torrent, qui descendait de la montagne. Vous avez aussi fort irrité l'Éternel en Tabera et en Massa, et en Kibrotava. Et quand l'Éternel vous envoya de Kadébarnée, en disant, « Montez, et possédez le pays que je vous ai donné », alors vous vous rebellâtes contre le commandement de l'Éternel votre Dieu, vous ne le crûtes point, et vous n'obéîtes point à sa voix. Vous avez été rebelles à l'Éternel dès le jour que je vous ai connu. Je me prosternai donc devant l'Éternel durant 40 jours et 40 nuits, durant lesquels je me prosternai, parce que l'Éternel avait dit qu'il vous détruirait. Et je priai l'Éternel, et je lui dis, Ô Seigneur éternel, ne détruis point ton peuple, et ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, et que tu as retiré d'Égypte, à main forte. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, et Jacob, ne regarde point à la dureté de ce peuple, ni à sa méchanceté, ni à son péché, de peur que les habitants du pays, dont tu nous as fait sortir, ne disent, parce que l'Éternel ne les pouvait pas faire entrer au pays dont il leur avait parlé, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir d'Égypte pour les faire mourir en ce désert. Cependant ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as tiré d'Égypte par ta grande puissance, et Abraham est ton